Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 48. Des effets de la colère. Les effets de la colère sont, la joie, l'effervescence du cœur, parfois la privation de la raison, et la taciturnité. 1. La colère cause-t-elle la joie? Le philosophe cite comme un proverbe, « La colère est plus douce que le miel dans le cœur des hommes. Plus la soif est ardente, plus le breuvage est doux, de même, plus une injure a rempli le cœur de tristesse, plus le châtiment qui en tire vengeance donne de joie. La vengeance est-elle réellement accomplie? Elle cause une satisfaction qui ôte la tristesse et apaise la colère. Si elle ne l'est pas encore, l'homme irrité se plaît à y penser, et, en roulant dans son esprit ses projets de vengeance, il éprouve une joie à laquelle il met le comble par leur accomplissement. » Note. Souvent la joie naît d'une source impure, l'homme ne cherche pas toujours la satisfaction dans les choses permises. Il jouit intérieurement du mal qui atteint ses ennemis, comme si le malheur d'autrui pouvait réellement augmenter son bien-être. Il est même une joie barbare qui naît des satisfactions de la vengeance, qui se manifeste à la vue du sang et du meurtre, et qui s'épanouit en voyant couler les larmes, en entendant des cris de douleur. C'est la joie du bourreau et des bêtes féroces, confirme Luino. 2. La colère cause-t-elle au plus haut degré l'effervescence du cœur? La colère, expansif comme la chaleur, enflamme le sang et les esprits vitaux dans la région du cœur. De là une très grande effervescence dans le cœur lui-même, et, dans les organes extérieurs, une perturbation excessive, le cœur palpite, dit Saint Grégoire, le corps tremble, la langue s'embarrasse, la figure devient de feu, l'œil s'égare, on ne reconnaît plus ses amis, la bouche profère des sons inintelligibles. 3. La colère empêche-t-elle, plus que toute autre passion, l'usage de la raison? Quoique la raison ne se serve, dans l'acte qui lui est propre, d'aucun organe du corps, elle a besoin néanmoins des facultés sensitives, que les désordres du corps peuvent enchaîner, comme on le voit par l'ivresse. La colère, emportant la perturbation dans toutes les parties du corps par l'effervescence du cœur, empêche, plus que toute autre passion, l'usage de la raison. C'est ce qui faisait dire au psalmiste. 30:10. Mon œil est troublé par la colère. Note. La colère, nous l'avons vu, a son principe dans la raison, mais, loin de la suivre toujours, elle en trouble souvent le jugement par la perturbation qu'elle produit dans le corps et dans les facultés sensitives. Fin de la note. 4. La colère cause-t-elle la taciturnité? La colère cause la taciturnité de deux manières. Est-elle accompagnée de la raison, elle empêche de parler à contretemps. La colère, dit Saint Grégoire, porte au silence, si la raison l'exige. Arrive-t-elle à son suprême degré, elle porte dans l'âme un tel trouble que la langue est dans l'impossibilité de parler, de là un autre genre de taciturnité. Mais, ainsi comprimée, elle n'embouillonne que plus violemment dans le cœur, c'est là son paroxysme. Note. Ô Seigneur mon Dieu, saint objet de mon amour, vous qui êtes la gloire et la joie de mon cœur, mon espérance et mon refuge, délivrez-moi des mauvaises passions et retranchez de mon cœur toutes ces affections déréglées, afin que, guéri et purifié intérieurement, je devienne propre à vous aimer, fort pour souffrir, ferme pour persévérer. Confère imitation de Jésus-Christ. markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.